l'écoute des programmes de la première. Histoire vivante en nouvelle diffusion, proposée par Jean Leclerc et Frédéric Piffer. Au nom de Dieu le miséricordieux. Cette semaine, journalistes, étudiants, diplomates et les autres. J'avais peur, il y avait une vraie bataille. Zoom sur un certain Orient. On voyait sans arrêt des garçons arriver en portant des blessés. Therefore, I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the capital. Tous les jours, il y a des menaces disant qu'ils vont venir prendre mon biche. Si Dieu le veut, nous ferons en sorte que cette opération atteigne son but en prenant le contrôle de Tal Rifat d'ici peu. Voulez-vous bien vous présenter aux auditeurs de la radio-télévision suisse, s'il vous plaît? Bien sûr. Christian Jouret. Donc je suis français, je suis un ancien diplomate qui a pris sa retraite il y a 4 ans et qui est tombé un peu par hasard, mais pas tant que ça, dans la presse. C'est-à-dire qu'avec quelqu'un, qui était Alain Grèche, nous avons créé, surtout lui qui était là, la force de ce journal, nous avons créé un journal sur Internet. Avant qu'on en vienne à ce journal dont il est question toute cette semaine, Orient 21, Christian Jouret, arrivé à la diplomatie, on y arrive par quel chemin? Est-ce une vocation précoce? Est-ce les, j'ai envie de dire c'est le hasard et la nécessité. Ah. C'est le hasard parce qu'au départ, je me destinais à être professeur. J'ai fait des études de langue et j'ai été professeur d'espagnol pendant quelques temps, qui est un métier que j'ai trouvé à la fois fantastique et en même temps... pas si facile que ça. L'enseignement ? L'enseignement, oui, il faut être un peu tout. Il faut être maître, il faut être professeur, il faut être parent, copain, etc. C'était un peu compliqué. Et ensuite, les hasards de la vie font que je me suis retrouvé à l'étranger, dans une ambassade, en tant qu'attaché culturel. Et puis j'ai découvert le monde des ambassades et j'y suis resté. Et j'ai découvert longtemps après... que ça avait été le parcours de mon grand-père, que j'ignorais complètement, qui avait commencé comme professeur et qui avait fini aussi comme diplomate, non pas en France, mais en Espagne. Comment résister? Le monde des ambassades, moi qui n'y ai jamais mis les pieds, à quoi ressemble-t-il? Oh, il y a des clichés, hein. J'imagine. Albert Cohen y est pour beaucoup. Oui, oui, il y a des clichés, il y a les dorures, c'est vrai qu'il y a de merveilleux bâtiments français à l'étranger, il y a des ambassades qui sont très très belles, je pense à Rome en particulier, Prague qu'on vient de vendre, ou Jérusalem, où j'ai été, ce sont des très beaux bâtiments qui donnent l'impression qu'on a une vie facile à l'intérieur. Un peu ancien régime, et dans la réalité c'est pas ça du tout. Dans la réalité, vous avez là des fonctionnaires qui travaillent énormément, c'est pas simplement les cocktails qu'on imagine, qui existent. Vous avez des gens très divers, qui ont chacun leurs compétences. Donc c'est un monde qui ressemble à tous les autres mondes, mais comme c'est un peu mystérieux encore, un peu secret parfois, un peu lointain aussi géographiquement, donc on peut fantasmer. La diplomatie dans laquelle vous avez travaillé était-elle essentiellement culturelle ou également pouvait toucher la politique? Alors, il y a eu les deux. J'ai eu un parcours un peu atypique par rapport à d'autres, à certains de mes collègues diplomates. En fait, j'ai commencé, puisque j'étais professeur et que je suis passé attaché culturel, comme je le disais, j'ai commencé dans la partie culturelle du Quai d'Orsay. C'est-à-dire pendant une vingtaine d'années, j'ai été attaché, conseiller culturel dans différentes ambassades. La propagande de l'Hexagone. Absolument, ça fait partie de la diplomatie culturelle, je dirais ça d'une autre façon. Mais c'était une façon de porter la bonne parole, effectivement, ailleurs et d'avoir des liens de coopération. Je n'aspirais qu'à y rester. Et mon dernier poste culturel a été la Norvège, en 93, à un moment où il y a eu des négociations entre Israéliens et Palestiniens, et ça a décidé de la suite de mon parcours, puisqu'à ce moment-là, on m'a demandé de rentrer à Paris, et de travailler désormais, d'abandonner la culture pour travailler sur, disons, la question de Palestine, ou le Proche-Orient en général. Et vous étiez prêt? Non. Non. Je n'avais pas de spécialité particulière là-dessus. J'avais un goût, je dirais, pour la chose politique. Quand on fait de la culture, on fait aussi de la politique, bien entendu. C'est différent, mais on en fait aussi. Et donc, je m'y suis mis avec beaucoup de plaisir et très rapidement. sans imaginer que j'en sortirais pas jusqu'à la retraite. Avez-vous le sentiment de vous être fait avoir ? Non. Si j'avais ce sentiment-là, je l'aurais pour beaucoup d'autres choses. Mais c'est pas grave. Mais alors pourquoi, Christian Jouret, ce dossier-là particulièrement ? À cause d'Oslo ? À cause d'Oslo. À cause d'Oslo, donc les négociations, je m'y suis intéressé. Et donc, on a décidé à ce moment-là de me confier un autre dossier. Et je suis rentré à Paris. Assez bizarrement, d'ailleurs, mon nomination à Paris a été le 13 septembre 1993, c'est-à-dire le jour de la signature des accords d'Oslo. Ah, dites donc, vous faites des choses en grand. Vous. C'est une coïncidence, mais ça tombait bien. Alors venons-en à Orient 21, Christian Jouret. Comment cette chose-là se présente ? Est-ce qu'il y a un jour initial, un café au petit matin partagé entre Alain Grech et vous-même ? Il n'y a pas eu un café au petit matin, il y en a eu d'autres après, mais il y a eu surtout, au départ, comme Alain Grech est un spécialiste de ces questions, et comme moi je m'y intéressais aussi, nos parcours à un moment se sont croisés, on s'est rencontrés. Peut-être il y a une vingtaine, une trentaine d'années, je ne sais plus. On ne s'est pas souvent vus, on s'est vus de part en part, mais l'un et l'autre savaient que l'autre existait et qu'on pouvait faire appel à lui à tout moment. Et je crois me souvenir que j'ai vraiment vu Alain Grech. À l'époque, j'étais à Bruxelles, donc, puisque j'étais fonctionnaire français détaché auprès de l'Union européenne, pour m'occuper de ça. Et en même temps, en parallèle, j'avais un séminaire à l'ENA, l'École nationale d'administration, à Strasbourg. Et parmi mes invités, qu'on avait le droit d'inviter des gens quand on faisait une conférence, j'avais invité Alain Grech, j'avais invité Leila Chahid, j'avais invité l'ancien ministre espagnol des Affaires étrangères, Moratinos. Et donc, c'est vraiment à partir de là. Et l'âge de la retraite s'approchant pour Alain Grech comme pour moi, à un certain moment, il m'a demandé si le moment venu, ça m'intéresserait de travailler avec lui sur la création de quelque chose sur Internet. J'ai dit oui tout de suite. Et quand j'ai quitté mes fonctions, je crois que le lendemain, j'étais à pied d'œuvre avec lui. Mais c'était aussi succincte de sa part comme présentation ? Absolument. Absolument, c'était pas plus que ça. Ça, c'est ce qu'on appelle les affinités électives. Oui, mais c'est Alain Grech. C'est Alain Grech, d'abord, on le connaît, on sait ce qu'il vaut, on sait ce qu'il pense, on a lu ce qu'il a écrit. Il n'a pas beaucoup parlé, c'était pas utile. Donc ça s'est fait très vite, en quelques instants, c'était oui. Alors, Christian Jouret, que souhaitiez-vous faire à l'intérieur d'Orient 21, être directement plume à la main, si j'ose dire, bien que ce soit un média en ligne, à écrire des articles, ou et peut-être occuper d'autres fonctions. Il y a eu les deux. J'ai commencé par ce qui m'intéressait, et qui n'était pas très différent de ce que j'avais fait jusque-là dans la diplomatie, c'est-à-dire écrire. Les diplomates écrivent beaucoup. La seule différence, c'est qu'ils écrivent pour leur ministre, pour leur administration, et c'est pas rendu public. En ce moment, il y a beaucoup de fuites. Il y a beaucoup de câbles américains qui ont paru. Mais à l'époque, donc, il n'y avait pas les fuites d'aujourd'hui. Et donc, dans les premiers temps du journal, j'ai beaucoup écrit. J'avais beaucoup de contacts avec la Syrie à l'époque. Je connaissais beaucoup de Syriens. Donc, j'avais de l'information de la part de ces Syriens, ce qui m'a permis d'écrire. Mais j'ai écrit sur d'autres sujets, la Turquie, la Syrie, processus de paix au Proche-Orient. Et ça m'intéressait, bien entendu. C'était pas différent de ce que j'avais fait jusque-là. L'optique était différente, mais la matière était la même. Mais un journal, c'est pas que l'écriture, c'est aussi un fonctionnement. Et donc, comme Alain Grech, lui, était le vrai journaliste de l'équipe et pas moi, donc il m'a demandé si je pouvais commencer à m'intéresser un peu à la recherche de financement, parce que ça, c'est important. Nous sommes un journal gratuit. Nous ne finançons qu'un seul poste. Sur la quinzaine de personnes qui travaillent, 12-15 personnes qui travaillent en moyenne pour le journal. Et donc, j'ai commencé à prendre mon temps, prendre du temps pour aller rechercher des financements. Et ça, c'est complètement chronophage. Et puis, les financements, les premiers financements arrivant, il a fallu s'occuper de la comptabilité, de l'administration. Et aujourd'hui, ben, je n'ai plus le temps d'écrire. Donc, je m'occupe essentiellement de choses qui ont moins d'intérêt pour moi, mais qui sont essentielles quand même à la vie d'une structure comme la nôtre. Concernant la ligne éditoriale, concernant les articles qui sont présents dans Orient 21, vous avez un mot à dire ? Oui. Vous voulez dire maintenant ou en général au journal, dans les comités de rédaction? En général. En général, oui. Mais maintenant aussi, je vous en prie. Non, non, bien sûr, tout le monde a un mot à dire. Ça, c'est clair. Il y a quelques grandes lignes directrices dans ce journal que tout le monde a intériorisées, intégrées. Et donc, les commentaires qu'on fait ne sont pas là pour... C'est très, très rare de refuser un papier, par exemple. On peut demander à l'auteur de corriger un certain nombre de choses. En général, c'est plutôt des choses de style, d'ailleurs. Parce qu'on a beaucoup d'universitaires qui écrivent pour nous, beaucoup de professeurs. Et leur écriture est parfois un peu compliquée pour un lecteur. Et nous souhaitons rester assez pédagogiques. On veut écrire clairement, mais simplement, pour être accessible à tout le monde. Et ça marche, d'ailleurs. Pour autant qu'on puisse le savoir, nos lecteurs se situent à deux extrémités. On a des lecteurs très très jeunes, issus de la communauté arabo-musulmane, ce sont les Français, mais qui viennent principalement du Maghreb, et qui s'intéressent à notre journal, et qui trouvent dans ce journal la matière qu'ils recherchent. Et puis on a des universitaires, des chercheurs, qui utilisent aussi certains de nos articles. Et donc là, on a ce que j'appelle deux extrémités, mais qui n'en sont peut-être pas, d'ailleurs. C'est peut-être l'appétit de savoir, il est autant chez les uns que chez les autres. Si vous deviez caractériser, Christian Jouret, la ligne éditoriale d'Orient 21, supposez que vous soyez à la radio et que vous soyez amené à la présenter. Absolument. Qu'est-ce qui la singularise? Alors, ce qui n'est pas original, c'est qu'on s'intéresse à l'Orient. L'Orient au sens large du terme, c'est-à-dire... Et le bruit de la perceuse qu'on entend en même temps n'a absolument rien à voir avec le contenu de notre conversation. Absolument. Non, ce qui n'est pas original, c'est qu'on s'intéresse à l'Orient. Il y a eu énormément de publications, il y a énormément de gens qui s'y intéressent, il y a beaucoup d'experts. Donc ça, c'est la région qui est le Maghreb, le Mashrek, ça peut aller très très loin. Donc ça, c'est assez banal, je dirais. Ensuite, la façon qu'on a d'aborder l'Orient, ça l'est moins. D'abord, on souhaite parler des pays arabes, il n'y a pas que les pays arabes, hein. Il y a l'Iran, il y a la Turquie, Israël. On souhaite en parler normalement. Qu'appelez-vous normalement? C'est-à-dire qu'on essaye de se dégager des préjugés qu'on peut avoir à l'égard de ces pays, de leur structure politique, de leur évolution. On souhaite en parler normalement, sans stéréotype. Alors là, on rentre dans quelque chose qu'on pourrait appeler... l'intelligence. Et la longue durée. Et la longue durée, effectivement. Donc ça, c'est une première chose. La longue durée, c'est intéressant ce que vous dites, parce que notre deuxième ligne directrice, c'est que ce qui se passe aujourd'hui a été préparé hier ou avant-hier. C'est-à-dire qu'il faut connaître l'histoire pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. On le voit bien avec des revendications en France. On le voit bien sur la critique du colonialisme. Vous avez des jeunes aujourd'hui qui n'ont pas connu le colonialisme français, mais qui en parle comme si c'était hier. Donc il y a des héritages historiques dont les enfants s'accaparent aussi et se saisissent. Et donc on a pas mal d'articles qui partent. On a un gros dossier sur la Première Guerre mondiale et l'Orient. Et là on voit bien au travers d'experts qui ont écrit pour nous que la situation d'aujourd'hui elle s'est préparée à l'issue de la chute de l'Empire ottoman, la Première Guerre et tout ça. Mais peut-on aussi imaginer que dans l'histoire et au-delà des continuités, il y a aussi des périodes de rupture franches, radicales, des tabula rasa qui font que on est obligé d'intégrer l'idée qu'on passe d'une séquence à une autre et que là, la continuité ne va pas de soi. Oui, pour dire rapidement, je vois deux ruptures. La première, c'est... Alors, on ne sait pas encore si c'est des grandes ruptures historiques, mais enfin, en tous les cas, sur le moment, ça a changé les choses. L'assassinat de Rabin, ça a été une rupture. Ça, c'était... j'y étais, d'ailleurs. J'étais dans la manifestation et je n'ai rien vu parce qu'il y avait beaucoup de monde. Mais quand on a appris très rapidement qu'il y avait eu... que Rabin avait été l'objet d'un attentat, ça a été un traumatisme total. Et ça a cassé le processus qui était en cours. Après, les dirigeants qui ont suivi n'ont eu de cesse de détricoter le processus de paix d'Oslo. Ça, c'est une première cassure. Il y a une deuxième cassure, mais ça, je dis ça un peu en m'amusant. Trump est probablement quelqu'un qui révise, je ne sais pas si c'est la table rase, mais c'est vraiment quelqu'un qui change les paramètres, comme on dit. Sur la question de Jérusalem, il a procédé à quelque chose qui est qui est radicale, qui était dans l'air depuis longtemps. Je veux dire, ça n'était que retardé par les différents présidents américains, mais le Congrès dans son ensemble était favorable à ce que Jérusalem soit reconnue par les États-Unis comme la capitale d'Israël. Dans une intervention que vous avez faite dans un colloque autour des questions touchant à la fois le Maghreb et le Moyen-Orient, vous avez dit « on s'est trompé au moment des révolutions arabes ». Ma question peut-être en deux temps, Christian Jourin, est-ce que pour vous, il y a quand même du côté des printemps arabes quelque chose qui pourrait être cousin d'une tabula rasa? Et par ailleurs, pourriez-vous repréciser à ceux qui nous écoutent quel est le degré d'erreur qui a pu être commis? Et quel est ce « on » là? Alors ce « on », moi à l'époque, c'était l'Union européenne. C'était l'Union européenne, donc c'était fin 2010, 2011 et les années qui ont suivi. Et l'erreur a été de mal analyser ce qui s'était passé et ce qui allait se passer. Et de se dire un peu trop rapidement, ça y est, le moment est venu, ils vont rentrer, ces pays arabes, et les sociétés arabes vont rentrer dans une dynamique qui va les conduire à, appelons ça la démocratie. Et on a complètement oublié qu'on avait critiqué, contesté, qu'on s'était opposé à la politique du président Bush à l'époque, qui vantait le mot démocratie absolument partout, qui a cherché à l'imposer au besoin par la force. Et nous qui avions plus de recul à ce moment-là dans la diplomatie européenne, on se disait, mais c'est une folie ce que fait ce président américain. Et quand il y a eu les printemps arabes, au fond, on est tombé dans le même travers. Alors, on n'était pas dupes, mais on se disait, il faut quand même les aider. Il y a ces sociétés qui ont une soif de reconnaissance, qui ont une soif d'être reconnues comme étant des peuples comme les autres, qui avaient les mêmes droits que les autres, en matière de liberté publique en particulier. Et on s'est dit, on va les aider. Mais comme on met de l'argent dans cette affaire, il y a quand même des voix qui se sont dit, attendez, on va les aider, mais on va leur demander des contreparties. Donc c'est une sorte d'échange. Et puis l'histoire ne se passe jamais comme ça. Et puis les choses ont évolué, on voit bien aujourd'hui qu'il y a des régimes autoritaires qui sont installés, je pense à l'Égypte en particulier. La Turquie à un moindre degré, qui est aussi un régime autoritaire qui s'installe, mais qui n'a pas connu le printemps des peuples comme l'a connu l'Égypte. Mais ce qu'on a fait à l'époque, les conditions qu'on avait posées, les espoirs qu'on avait, on avait des espoirs sincères. Je vois guère aujourd'hui que la Tunisie, qui est encore entre deux eaux, qui ne sait pas où elle va, mais qui a encore, je pense, tous les ingrédients pour bien réussir quelque chose. J'étais tout récemment en Tunisie, j'y vais régulièrement, et je trouve que la société tunisienne, c'est vraiment, d'abord elle est jeune, les gens ont envie de parler, elle est très active, il y a vraiment des jeunes très brillants, très très brillants. Ce serait dommage de se priver de ça. Et l'Iran? Je connais un petit peu moins bien l'Iran. Je l'ai connu au travers donc de ce traité, de cet accord qu'on a eu avec l'Iran, auquel on tenait beaucoup à l'époque, à Bruxelles, auquel on tient toujours. On pense que c'est un accord imparfait, mais un bon accord. On a la conviction que l'Iran est capable de respecter cet accord. On a des idées fausses aussi sur l'Iran. Hein. C'est évidemment un régime qui ne nous convient pas entièrement, qui ne nous ressemble pas. Mais il y a aussi une sorte de démocratie en Iran. Il y a aussi des élections, il y a aussi... Et vous parliez d'une jeunesse, et vous parliez des étudiants, et des révoltes pareil, également, puisqu'en 2009, absolument, l'Iran, oui, à sa page. Ouais. Si l'on devait, un peu avec vous, pour vous qui avez travaillé particulièrement sur une durée assez prolongée dans la région, mais essayer d'exprimer ce qu'est aujourd'hui, ou ce que sont les grandes lignes de force des recompositions géopolitiques au Moyen-Orient. Sur ce qui se passe au Proche-Orient, même si ce n'est pas l'air du temps, je centrerai ça quand même encore aujourd'hui sur la question de Palestine. Noyau central? Je pense. Et tout ce qui se passe autour est important, mais ça se passe aussi par rapport à cette question de Palestine. Quand on voit les rapprochements entre l'Arabie Saoudite et Israël, par exemple, ou les Émirats Arabes Unis, c'est quand même quelque chose qui est relativement nouveau. Ça a été planté il y a pas mal de temps, mais c'était pas aussi apparent que ça, c'était pas visible, c'était pas dissible, si je peux le dire. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui s'affiche et qui s'affirme. Et ça se fait aussi sur le dos des Palestiniens. Moi, j'étais sidéré par lorsque le président Trump donc a déclaré que Jérusalem était la capitale d'Israël et qu'ensuite il a indiqué qu'il allait déplacer son ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. C'était frappant de voir que les pays arabes n'ont pas tellement, et l'Arabie saoudite qui devrait avoir des choses à dire sur la Jérusalem, je dirais, lieu saint, musulman aussi. Ils n'ont pas grimpé au rideau, hein. Ça n'a pas été un torrent d'invectives comme ça avait pu être le cas dans le passé. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a cette recomposition qui s'établit en ce moment, cet axe, qui est à la fois Israël et certains pays arabes, et puis cette opposition qui n'est pas neuve entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Le président roi d'Arabie saoudite parlait systématiquement du serpent perse. Moi, j'ai assisté à des dizaines d'entretiens avec les dirigeants saoudiens, quand j'accompagnais un ministre, ou français ou européen. C'était impressionnant, il ne parlait jamais de l'Iran, il parlait de la Perse. Il ne parlait pas du régime, il parlait du serpent. On coupe une tête, il en sort une autre. Donc ça, c'est pas nouveau. C'est vrai qu'il y a des interpositions, des proxys, comme on dit en anglais, le Hezbollah, le rôle du Hezbollah, etc. C'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est quand même que certains pays arabes subissent ce contre-coup. Je pense au Yémen. Il se passe des choses au Yémen qui sont incroyables. Et on n'en parle pas. Le Yémen a toujours été un pays à l'écart. Ça n'appartenait pas au Conseil de coopération des États arabes du Golfe. C'était pas là, c'était un pays un peu perdu dans les montagnes. Et ça reste, il se passe des choses dramatiques. Toutes les informations qui nous viennent de là-bas, on sait qu'il y a une crise humanitaire, mais il y a aussi des bombardements réguliers, etc. Donc, je pense que les pays arabes, en ce moment, sont en train de souffrir de ce qui se passe dans cette recomposition. Et je pense que la question de Palestine reste au cœur avec la décision que vient de prendre Trump et qui a montré que l'autorité palestinienne était... Le président palestinien a quasiment explosé en plein vol. Il a fait des déclarations publiques qui ne sont pas utiles, qui sont parfois scandaleuses, mais qui montrent bien surtout qu'il n'y a pas d'autre idée en ce moment au sein de la direction palestinienne pour sortir de l'impasse. On a tendance aussi à penser que des implosions comme celle auquel on a pu assister, j'entends par là l'Iran et l'Irak et la Syrie, peut-être des effets collatéraux de Israël-Palestine, mais on sent quand même le dossier relativement éloigné. Bien sûr, c'est pas la cause. C'est pas la cause de ce qui se passe. S'il y a une cause dans l'histoire récente, ça c'est quand même l'intervention américaine. En 2003. Et celle qui précède, parce que... Oui, absolument. Moi, j'ai une petite anecdote. En 2003, j'étais... Alors, je vais pas être très précis pour des raisons de discrétion, mais j'ai accompagné quelqu'un qui a rencontré ce qu'on appelle les néoconservateurs américains, quelqu'un en particulier, un Américain, qui a eu un rôle important dans la décision américaine. Je vais faire une liste, puis vous me faites oui avec la tête. Non. et donc, la personne avec qui j'étais lui dit, mais écoutez, vous n'allez pas vous lancer dans cette aventure. Ce que vous allez faire, vous allez détruire l'Irak et il va y avoir 4-5 ans à reconstruire tout ça. Il nous a regardé en souriant et nous a dit non, 30 ans. Et moi, j'étais interloqué parce que ça, j'avais l'impression que c'était, en fait, c'est ça l'objectif. C'est-à-dire de tout chambouler en Irak, c'est-à-dire dans la région, au fond, pour que rien ne change, selon la formule. Ou que ce soit à reconstruire. Effectivement. Et donc, je pense que s'il y a la cause la plus proche, je dirais, de recomposition actuelle, c'est à la fois l'intervention américaine en Irak, et puis cette évolution de la société politique, je veux dire, israélienne, qui donne l'impression d'être libérée aujourd'hui. Il y a des déclarations d'hommes politiques israéliens qui sont invraisemblables. On ne pourrait pas en accepter le dixième en France ou en Suisse. Il y a des déclarations d'un racisme total. Alors, ce n'est pas toute la classe politique israélienne, bien entendu, mais ça existe. Il y a des orthodoxes qui ne sont pas que des religieux, qui ont aussi un rôle politique, qui aident à la coalition, qui sont prêts à quitter la coalition s'ils n'obtiennent pas satisfaction. Enfin, en tout cas, ils ont le vent en poupe. Et ça, je pense que mon sentiment personnel est qu'Israël est sur une espèce de toboggan en ce moment, que rien n'arrête, Et ascendant ou descendant? Non, c'est descendant, à mon avis. Descendant? C'est descendant. Je pense que beaucoup de gens imaginent le contraire parce qu'Israël s'installe, parce que Jérusalem donne l'impression que c'est vraiment la capitale éternelle, comme le, dit, comme le disent les politiques israéliens et la loi israélienne. La colonisation ne cesse de progresser, les Palestiniens ne cessent d'être faibles, de s'enfoncer. On attend avec, j'ose pas dire impatience, mais le prochain plan américain, s'il arrive un jour, et qui sera, en gros, vous Palestiniens, voilà, vous prenez ou vous laissez, donc soumission complète. Ou... Je ne pense pas que tout ça, à long terme, soit en faveur d'Israël. Je pense qu'une paix juste, comme on dit, c'est un peu idiot de ce genre de formule, mais le statu quo actuel n'est pas tenable. Faire taire les Palestiniens, ce qui est déjà le cas, les Palestiniens sont... ne représente pas un véritable danger. Il y a un sentiment d'insécurité au sein de la population israélienne. Ce qui se passe à Gaza participe à ce sentiment d'insécurité. Mais le vrai danger n'est pas là. Le vrai danger n'est pas là. Tout est contrôlable par Israël, et depuis longtemps. Et depuis longtemps, depuis même au moment des attentats du Hamas. Je veux dire, pour Israël, c'était... il y avait un attentat du Hamas, il y avait une réaction israélienne, d'abord sur l'autorité palestinienne. Mais quand on fait référence au Hamas, on fait... quasiment déjà référence à l'histoire passée. Ouais. Désormais, il y a d'autres entités beaucoup plus insaisissables, certainement absolument. Beaucoup moins structurées, ouais, que ne peut l'être le Hamas, et qui rendent la chose encore plus volatile. Oui, et ce que vous voulez peut-être dire d'une autre façon, c'est que quand le Hamas a gagné les élections, alors pour nous c'était compliqué, parce que nous, Européens, c'était compliqué parce que le Hamas faisait partie de nos listes d'organisations terroristes, et quand vous êtes sur une liste d'organisations terroristes, pour en sortir, il faut du temps. Pour des raisons administratives, des raisons psychologiques, des raisons techniques, etc. Il faut du temps. Et donc, quand le Hamas a été élu, autre faute politique que nous avons commise, parce qu'on n'a pas imaginé que le Hamas pouvait être élu. Les quelques voix qui nous disaient ça, même au sein de l'Union européenne, parmi les gens de la sécurité, on ne les a pas crus. Et on s'est dit, si jamais ils sont élus, de toute façon, les élections auront été truquées, ça sera facile de démonter tout ça. On a envoyé des centaines d'observateurs, ils nous ont dit, tout a été parfait, quasiment parfait. Et à ce moment-là, avec la victoire du Hamas aux élections de 2006, eh bien on ne les a pas reconnus. On n'a pas pu travailler avec eux. Et je pense que c'était une faute. On aurait dû essayer de travailler avec eux. Alors on a pu les rencontrer discrètement, à droite, à gauche, pour savoir ce qu'ils pensaient. Parce que c'est le rôle de la diplomatie aussi de rencontrer tout le monde, ou presque. Mais effectivement, c'était un... si on met à l'écart intellectuellement la violence, qui n'est pas acceptable, surtout la violence terroriste, qui n'est pas acceptable. Pour le reste, ils avaient quand même un discours relativement articulé. Christian Jauret, on aura l'occasion de se retrouver prochainement au micro d'Histoire Vivante. En attendant, on oriente tout le monde, comme toute cette semaine, sur ce magnifique projet Orient 21, enfin plus que projet d'ailleurs, puisque c'est une réalité maintenant depuis 2013. C'est à consulter sur le net, c'est à lire. C'est gratuit. C'est ouvert à tout le monde. À bientôt et merci de cette première visite. Merci beaucoup. Demain, la suite, il sera toujours question de la revue Orient 21. À notre micro, un animal transformiste, selon sa propre définition, à laquelle nous lui demanderons quelques compléments de précision. Demain, nous serons en compagnie de Nada Yaffi. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Avec aujourd'hui la participation d'Isabelle Barthes, Corinne Rocha, Valérie Dantan, Daniel Zacker. Réécoutez podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez La Première et il est 14h.